بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours aujourd'hui numéro 81 dans l'explication du livre de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et on est toujours dans le chapitre au sujet de la foi en les messagers, et le Cheikh il a établi une section dans cette partie des piliers de la foi au sujet des Sahaba, et en particulier des Khulafa al-Rashidin, puisque ça a un lien directement, ça a un lien direct avec la foi en les messagers. Pourquoi? Parce que les Sahaba sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux qui ont hérité du prophète la religion d'Allah, et donc c'est eux qui nous l'ont transmis. Donc c'est notre lien, hein, c'est le chaînon entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier lien dans la chaîne. Donc beaucoup de gens parmi les égarés et les gens de bid'a, comme les Rafida par exemple, eux ils attaquent cette génération des sahaba et ils les dénigrent et ils les insultent, et en agissant ainsi indirectement ils insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les sahaba c'est Allah qui les a choisis pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux le lien entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu attaques le lien, eh bien tu attaques la religion elle-même, d'accord? Donc c'est important de connaître ça et d'avoir une compréhension à ce sujet là maintenant qu'on a expliqué ça au dernier cours et qu'on a parlé des mérites et des caractéristiques des Sahaba, le dernier point qu'on avait expliqué, d'après ce que je me souviens, c'est que il y a des caractéristiques qui sont générales et des caractéristiques qui sont spécifiques par rapport aux Khulafa et par rapport aux Sahaba en général. Et le fait qu'un Sahabi ait une caractéristique spécifique, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas cette caractéristique spécifique là n'est pas meilleur que lui. Comme par exemple, Omar ibn al-Khattab, il a beaucoup de caractéristiques spécifiques, de même que Uthman. N'empêche que Abu Bakr est meilleur que Omar, et Omar est meilleur que Uthman, et Uthman est meilleur que Ali, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on peut pas prendre par exemple des hadiths sur les caractéristiques spécifiques de certains d'entre les Sahaba pour déterminer ou définir que certains sont meilleurs que d'autres. Il faut prendre les choses de façon générale et regarder les preuves en entier pour déterminer qui est meilleur que l'autre. Et c'est ça que les ulama ont fait, et déjà à l'époque des Sahaba, ils étaient déjà d'accord sur le fait que Abu Bakr c'est le meilleur de cette umma après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite Omar, puis ensuite Uthman, puis ensuite Ali radiallahu anhu. Ok, donc maintenant on a expliqué ça. Le Cheikh il dit ensuite: بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العاملين في أيام الصبر لواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة، لأن هذه الخصيصة مقيدة في هذا الزمن الصعب الضنك، لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بعبادة الله ثقل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ هزوا فتصبر وتتحمل، فنالوا هذه الخصيصة بسبب ما يعانون من الضيق والمضايقة، ولكن لا يلزم من هذا أن يكونوا أفضل من الصحابة. Donc ici le cheikh donne un autre exemple, parce qu'au dernier cours on avait terminé avec l'exemple de Uwais al-Qarni. Et Uwais al-Qarni c'est quelqu'un qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il y a un homme qui va venir et qui s'appelle Uwais al-Qarni. Et quand il vient, il a dit à Omar ibn al-Khattab, il dit, si il vient et que tu as la possibilité de lui demander de faire un dua pour toi, alors demande-lui de faire un dua pour toi, parce que son dua est mustajab, son dua est exaucé. Et donc quand il l'a rencontré, il l'a fait. Et le cheikh expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé à personne de faire dua, de demander à quelqu'un d'autre parmi les sahabes de faire un dua pour lui, excepté Uwais al-Qarni, alors que lui-même n'est pas un sahabi. D'accord? Donc ça, le fait qu'il a fait ça, ou qu'il a dit ça à propos de Uwais al-Qarni, ne veut pas dire qu'il est meilleur que Omar ou que les autres sahaba. D'accord? Et ici, il explique que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ceux qui allaient venir après lui allaient être ses frères. Hein? Et il a mentionné, hein, parce que les sahaba ont dit, ne sommes-nous pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes sahaba. C'est-à-dire, non seulement vous êtes mes frères, mais vous êtes plus que mes frères, vous êtes mes sahaba. Tandis que ceux qui vont venir après, c'est ceux qui ont cru en moi sans m'avoir vu. Et il a mentionné, il a dit, ils auront la récompense de 50 d'entre vous. Hein, ils auront la récompense de 50. Et les sahabes ont dit, est-ce que c'est de 50 d'entre eux ou 50 d'entre nous? Il a dit non, 50 d'entre vous. Et les ulama ont expliqué que la raison de cette récompense, pour ces gens-là qui vont venir plus tard dans la Ummah, c'est parce que eux, ils vont avoir à pratiquer l'islam dans une situation ou dans un contexte où ils vont être, c'est-à-dire ils vont être peu nombreux et ils vont subir beaucoup de difficultés à cause de leur attachement à la religion. Et l'adoration pour eux va devenir très lourde. Et le fait qu'ils sont isolés et qu'ils sont peu nombreux, eh bien ça va demander d'eux plus d'efforts, plus de patience. Et c'est ce qui fait que leur adoration va avoir beaucoup plus de valeur à cause de ça. Donc ils auront beaucoup plus de récompenses pour les œuvres qu'ils font. N'empêche qu'ils ne sont pas meilleurs que les sahaba. D'accord? Ils ne sont pas meilleurs que les sahaba. Ils ont juste la récompense augmentée à cause des duretés, des difficultés et de la gêne qu'ils subissent à cause de l'époque dans laquelle ils vivent et la rareté de ceux qui sont accrochés à la sunna et à l'islam. Et ça, c'est dans la fin des temps. Plus on avance, plus on le constate. Et même il y a un temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'accrochera à sa religion sera comme celui qui ferme sa main sur un charbon ardent. D'accord? Donc, cette période-là sera très difficile. Et le cheikh, il dit ensuite, وهذه قاعدة تنفعك أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق أن لا يكون للمفضول فضل مقيد ولهذا قال ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيه من هو أفضل منه ولكنه لا يستحق بهذا الفضل المطلق على من فضله على من لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. نعم. Juste voir comment il a traduit ça. Ok. D'accord. Donc, ici, le cheikh dit, donc ça, c'est une règle. Donc, il revient en arrière. C'est comme s'il fait la synthèse de qu'est-ce qu'il a expliqué qu'est-ce qu'on a lu au dernier cours. Donc il fait la synthèse du point et il dit donc c'est une règle qui est bénéfique pour toi de la connaître. C'est que la question du mérite, il y a un aspect de ce mérite qui est général et un aspect de ce mérite qui est restreint ou limité ou spécifique à une personne. Et il dit que le mérite qui est restreint ou qui est spécifique, eh bien le fait que quelqu'un ait cette caractéristique ou ce mérite qui est spécifique, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que celui qui a un mérite général, hein, son mérite est général. Et il dit, et ça n'implique pas non plus que celui dont le mérite est général, que yani, c'est ça. Donc si quelqu'un a un mérite qui est général, ça ne veut pas dire que celui qui est moins méritant que lui n'a pas certains mérites qui sont spécifiques à lui, dans lequel hein, il est meilleur. Donc c'est comme pour dire que si t'as un mérite général, ça veut pas dire que yani, quelqu'un d'autre peut pas avoir un mérite spécifique. Et si quelqu'un il a un mérite spécifique, eh bien ça veut pas dire qu'il est meilleur que celui qui a un mérite général. Ça c'est la règle. Et la façon dont le cheikh il le mentionne dans le texte, c'est pour dire que nous croyons que la personne qui a été préférée ou qui a été dépassée par les autres dans son mérite, c'est possible que certains d'entre eux soient avec des caractéristiques ou des mérites qui les distinguent des autres par des caractéristiques et des mérites qui leur sont particuliers, dans lesquels ils sont meilleurs dans ces mérites particuliers-là, mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ce mérite particulier, il a un mérite général. D'accord ? Parce que les choses qui font en sorte qu'on considère les mérites d'une personne, c'est des choses qui sont multiples. C'est pas une chose unique. Donc ça se peut que quelqu'un, il ait un, deux ou trois mérites spécifiques. Mais qu'est-ce qu'on doit tenir compte pour déterminer le mérite général? C'est pas juste une ou deux ou trois choses, mais c'est beaucoup de choses dont on doit tenir compte de façon générale. Donc c'est ça que le cheikh a expliqué. Il dit faqad ya, donc on peut affirmer à quelqu'un un mérite spécifique, hein, et pas à un autre. Et ici le cheikh, la façon dont ça a été traduit dans la traduction de Dar es Salaam, il dit, et nous croyons que celui parmi eux dont les mérites sont globalement moindres que les autres peuvent posséder une qualité particulière par laquelle il surpasse en mérite celui qui globalement est meilleur que lui. Néanmoins, cette qualité ne le rend pas pour autant meilleur que celui dont le rang est supérieur au sien. En effet, les mérites s'acquièrent de manière diverse et variée. Donc c'est ça la traduction. Et ça traduit très bien qu'est-ce que le cheikh a expliqué ici, qu'est-ce que j'ai essayé de traduire moi-même dans mes propres mots. Donc le cheikh il dit ensuite وقد ظهر في الآونة الأخيرة من تكلموا فيما جرى بين الصحابة وهؤلاء خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وأحدثوا الفتن ونشروا ما جرى بين الصحابة فتنة والعياذ بالله لأن العوام سيقولون إذا كان هذا بين الصحابة فهو محل خلاف وإزالة عدالة ثم إذا جرت بين الصحابة هذه الفتنة وإراقة الدماء فنحن من باب أولى ولذلك يحرم النشر ما جرى بين الصحابة بالنسبة للعوام أما طلبة العلم فلا بد أن يطلعوا ولذلك ننصح كل مسلم عن سماع الأشرطة التي تنقل فيها هذه الأمور أو قراءة الكتب التي يكتب فيها هذا الأمر لئلا يقع الإنسان في فتنة ولا بد مع ذكر هذه الأمور أن يميل إلى إحدى الطائفتين ولا بد أن يميل لأن الإنسان بشر ولكن من عصمه الله أعرض عن هذا كله وقال ما جرى بين الصحابة فإنه عن اجتهاد والمخطئ له أجر والمصيب له أجران. Donc ici, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer? C'est une règle générale chez les gens de la sunna. Et qu'est-ce que c'est cette règle? C'est que il dit qu'il est apparu dans les derniers temps des gens qui ont commencé à parler de ce qui s'était produit entre les sahaba qui ont parlé de ce qui s'était passé entre les sahaba comme fitna, hein? Et il dit ces gens-là sont sortis du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'ah et ils ont créé beaucoup de troubles à cause de ça parce qu'ils ont diffusé la fitna qui s'était produite entre les sahaba chez les gens du commun parmi les musulmans ordinaires qui n'ont pas nécessairement de compréhension et d'études par rapport à ces questions-là. Et donc le cheikh il explique que lorsque on diffuse, parce que je me rappelle à l'époque, il y a pas très longtemps même, il y avait l'autre là, comment il s'appelle, Tariq Souaidan qui est un égaré, hein, et qui, subhanallah, il a diffusé dans des audios les fitnes qui se sont passées entre les sahaba et d'autres personnages aussi, d'autres individus aussi ont fait ça. Et le cheikh il dit le danger dans le fait de faire ça, de diffuser ces choses-là au grand public sans discernement, eh bien, c'est que les gens, quand ils vont voir ce qui s'est passé entre les sahaba, quand ils vont entendre ces choses-là, ils risqueront de, commencer à dire du mal des sahaba ou penser du mal à propos des sahaba, et ils vont dire si ces choses-là se sont produites entre les sahaba. Et qu'il y a eu des sahaba comme s'il y a eu du sang qui a coulé et des choses de ce genre. Alors dans ce cas-là, si ça s'est produit entre eux, ça peut se produire encore plus parmi nous. Hein? Et donc ça va faire en sorte que les gens ils vont comme banaliser, hein, ce genre de choses. Et aussi il dit c'est pour ça que c'est interdit de propager ce qui s'est produit entre les sahaba pour les gens du commun. En ce qui concerne les étudiants de sciences islamiques, ceux qui font des études et qui approfondissent leur connaissance de la religion, il dit pour eux, c'est nécessaire d'étudier ces choses-là et de les connaître, hein, pour savoir ce qui a été réellement arrivé, ce qui est réellement arrivé à cette époque-là, et comment ça s'est produit, et qu'est-ce qui s'est passé, et pour comprendre la situation. Pour être capable d'avoir des bases là-dessus, puis aussi pour réfuter les gens de l'égarement sur ces questions-là. Il dit, toutefois, on conseille à tout musulman de ne pas écouter des cassettes qui propagent ces histoires-là, ou de lire des livres qui parlent de ces questions-là, pour pas tomber eux-mêmes dans la fitna. Donc il dit que si quelqu'un, donc il lit ces choses-là ou il entend ces choses-là, eh bien c'est sûr qu'il va pencher d'un côté ou de l'autre, hein, parce qu'on est des êtres humains. Mais celui que Allah a préservé, celui que Allah a protégé, c'est celui qui s'est détourné complètement de tout ça et qui dit ce qui s'est produit entre les sahaba, ça s'est produit par rapport à des efforts de jugement et des ijtihad, comme on appelle en arabe. Et donc, parmi les sahaba, ceux d'entre eux qui avaient commis une erreur auront tout de même une récompense, tandis que ceux d'entre eux qui avaient une bonne position, qui avaient la position correcte, eux, ils auront deux récompenses au lieu d'une. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les sahaba, ceux d'entre eux qui avaient commis une erreur, ils sont tout de même pardonnés et ils sont tout de même excusés pour cette erreur-là, parce que ce sont des ulama mujtahidin, ce sont des ulama, des savants, et ils ont fait un ijtihad, ils ont le degré de mujtahidin, donc ils sont excusés pour ces erreurs là ils n'ont fait que chercher la vérité, et même s'ils se sont trompés, ils seront récompensés et pardonnés par Allah. Après, le cheikh il dit: wa nu'minu bi anna hadhihi al-umma خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc le cheikh il dit: et nous croyons que cette umma, hein, c'est la meilleure des nations et la plus noble de toutes les nations, hein, pour Allah. Pourquoi? Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et le cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il explique ce verset là et ce passage là et il dit: qawluhu wa nu'minu bi anna hadhihi al-umma khayrul umami wa akramuha 'ala Allah 'azza wa jalla wa annaha خير من بني إسرائيل ومما وراء بني إسرائيل لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس, وهذا عام, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فهم خير حتى من بني إسرائيل. Donc il dit le cheikh que ça veut dire, hein, nous croyons que cette umma, la umma de l'islam, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des nations et la plus noble pour Allah. Et il dit, elle est meilleure que celle des fils d'Israël et de ceux qui sont derrière les fils d'Israël aussi, hein, ou avant les fils d'Israël. Il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et c'est le verset 110 dans surat Al-Imran: vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et ça, c'est général. Et les raisons de ça, il dit, c'est parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et donc, ils sont meilleurs que même que Bani Israël, les fils d'Israël. Il dit ensuite: wa amma qawluhu ta'ala an Bani Israël wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin fal murad 'ala al-'alamin alladhina sabaquhum aw kanu fi zamanihim amma annahum afdalu mimman ba'dahum faman ba'dahum lam ya'ti ba'd hatta yakunu hunaka mufaddalun مفضل ومفضل عليه فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم والذين في وقتهم أما من بعدهم فإنهم لم يأتوا حتى يفضلوا عليهم ولهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس وهل بقي أمة بعد هذه الأمة لا إذن لهم الخيرية المطلقة فهم خير العالمين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. Donc le cheikh il dit, donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 47 dans sourate Al-Baqarah: wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, à propos des fils d'Israël, dit: je vous ai préféré sur tous les mondes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire ala al-alamin, c'est-à-dire sur les mondes qui ont précédé. C'est-à-dire soit le monde, ceux qui ont précédé Bani Israël ou ceux qui étaient présents à leur époque. Mais de dire qu'ils étaient meilleurs que ceux qui allaient venir après eux, non, parce qu'ils n'étaient pas encore là. D'accord? Donc, étant donné qu'ils n'étaient pas encore venus, ceux qui devaient venir après, ils n'étaient pas encore là, donc on ne peut pas dire que ils sont meilleurs que eux aussi. Donc Banu Israël, il n'y a pas de doute que c'est elle la meilleure nation parmi les nations précédentes, ou ceux qui étaient à leur époque, meilleurs que ceux qui étaient présents à leur époque, meilleurs que ceux qui étaient là avant eux. Mais en ce qui concerne après eux, eh bien les autres, ils n'étaient pas encore là pour que on puisse dire qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et c'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure umma qui est sortie pour les hommes, il dit: est-ce que après la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une autre umma? La réponse, c'est non. Hein? Parce que c'est la dernière umma, puisque c'est le dernier messager. Donc le cheikh il dit, donc ça veut dire que ils ont la préférence absolue et que c'est eux les meilleurs de façon absolue. Et donc c'est eux les meilleurs de tous les mondes. Et donc il dit le cheikh, on demande à Allah de faire en sorte que nous soyons parmi eux. Hein, ou dans leur rang, hein, parmi les meilleurs, parmi cette umma, et parmi donc par conséquent les meilleurs, la meilleure nation. Après il dit ولكن وصفهم بأوصاف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولا يتأمرون بالمعروف أيضا فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة منها هذه الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. Donc le cheikh il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cette umma qui est la meilleure umma avec certaines caractéristiques. Donc pour faire partie des meilleurs que Allah a mentionné, hein, pour faire partie de cette nation qui est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes, il faut avoir les caractéristiques qui sont mentionnées dans le verset. Sinon, hein, on ne peut pas entrer dans cette description-là. Et ces descriptions-là, c'est les suivantes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Et Banu Israël, les fils d'Israël, eux, comme Allah le mentionne à leur sujet, ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient les uns les autres. Hein? Et ils ne s'ordonnaient pas non plus le bien les uns aux autres. C'est pour cette raison-là que cette umma est meilleure que leur umma. Et à cause de beaucoup d'autres raisons aussi. Et parmi ces différentes raisons, cette particularité qui est extrêmement importante, c'est-à-dire celle d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de croire en Allah. Après le cheikh, il dit فَإِذَا قَالَ قَائِلْ لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالجواب لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم حتى الأمم السابقة تؤمنون بالله ولكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il dit, et ça c'est une question qui est intéressante et très importante aussi, et peut-être que beaucoup de gens se posent cette question justement par rapport à ce verset. Pourquoi Allah a mentionné dans ce verset la foi en Allah après l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? C'est-à-dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Pourquoi il dit وتؤمنون بالله en dernier, hein? Vous croyez en Allah en dernier. Puis avant, on mentionne vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc pourquoi vous croyez en Allah, ça a été placé après, alors qu'à la base, on sait que la foi en Allah, c'est la base, c'est la chose la plus importante. Et le cheikh, il explique cette raison-là. Il dit, la réponse à cette question, c'est que la foi en Allah, c'était présent dans cette umma, la umma de l'islam, et c'était présent aussi chez les autres. Mais, il dit le cheikh, parce que même dans les nations précédentes, ils croyaient en Allah. Mais, la particularité qui est importante ici, par laquelle ils ont obtenu cette excellence et cette supériorité ou ce mérite, hein, sur les autres, c'est le fait qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Parce que regardez les chrétiens, regardez les juifs, hein, et vous voyez qu'ils ordonnent pas le bien, ils interdisent pas le mal. Au contraire, lorsque tu regardes dans leur société, dans leur mode de vie ou dans leur façon de penser, eh bien, leurs valeurs, leurs idées, c'est la liberté. Hein? La liberté individuelle, comme ils l'appellent. C'est-à-dire, vivre et laisser vivre. Hein? Chacun, il fait ce qu'il veut. Hein? Et ils n'imposent pas aux autres le bien. Et ils n'interdisent pas non plus le mal. Hein? Chacun fait qu'est-ce qu'il veut. Donc ça, c'est des valeurs qui sont pas présentes dans les nations précédentes et dans les autres peuples. Tandis que dans la Ummah de l'Islam, ça c'est une des caractéristiques les plus importantes, elle ordonne le bien, elle interdit le mal aux autres. Et ça c'est fondamental, et c'est obligatoire. Hein? Et, t'avais une question? Non? Ok. Après, le cheikh il dit, وَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الصَّحَابَةُ ثُمَّ التَّابِعُونَ ثُمَّ تَابِعُوهُمْ. C'est-à-dire, et nous croyons que les meilleurs de cette Ummah sont premièrement les Sahaba, ensuite les Tabi'un et ensuite leurs Tabi'un. Hein, les Tabi'un des Tabi'in. Bon, Tabi'un, Tabi'in, comme on les appelle. Le Cheikh, il explique. Ensuite, il dit, « Wa qawluhu wa nu'minu bi anna khayra hadhihi l'umma as-sahaba jinsan amma afradan fahiyya ma'nan wahid faqat » وهو الصحبة فالصحبة لا أحد يساويهم فيها أبدا أو لا أحد يساويهم فيه أبدا يعني لأن كل من بعدهم ليس صحابيا ولكن هناك أشياء أخرى كما قلنا فيما سبق موجبات الفضل كثيرة قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة وكما ذكرنا آنفا أن أجر الواحد في أيام الصبر كأجر 50 من الصحابة وقد يوجد من التابعين من يكون إماما في الدعوة إلى الله إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إماما في كل شيء من متعلقات الدين ولا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم إذن باعتبار العموم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء أما باعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراده فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل لم تأتي لهذا الفرد المعين. Ok, le cheikh il explique ici un point. Il dit, nous croyons donc que la meilleure génération, ou les meilleurs de cette umma, c'est les sahaba. Hein? Et il dit, c'est-à-dire en tant que groupe, en tant que catégorie. Tandis que en ce qui concerne les individus parmi eux, eh bien, on prend en considération une chose. C'est une chose seulement, c'est-à-dire as-suhba, c'est-à-dire le fait qu'ils sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils l'ont rencontré ou qu'ils l'ont vu une fois et qu'ils ont cru en lui et qu'ils sont morts croyants. Ça fait deux des sahaba. Donc, du moment qu'ils ont as-suhba, ils font partie de cette catégorie, et personne d'entre les musulmans qui viennent après n'auront ce mérite-là. Ils ne peuvent égaler ce mérite par la suite. Ok? Parce qu'ils ont cette particularité d'être des sahaba. Ils ont as-suhba. Donc, il n'y a personne après eux qui sont des sahabis, excepté ceux qui étaient dans cette génération-là. Et qui ont rencontré le prophète, ou qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru en lui, et qui sont morts musulmans. Mais par contre, il dit que, comme on l'a déjà expliqué, il y a des choses qu'on peut tenir, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on doit tenir compte par rapport au mérite. Et comme on a expliqué, le cheikh dit, c'est possible qu'un tabi'i, par exemple, est certaines choses dans lesquelles il est au-dessus d'un sahabi, yani. Donc il dit قَدْ يَفُوقُ فِيهَا التَّابِعِيُّ صَحَابِيًّا. Donc certains mérites, c'est possible que certains parmi les tabi'in soient au-dessus d'un sahabi dans ces mérites-là, comme on l'a expliqué précédemment, comme on a donné l'exemple de Uwais al-Qarni par exemple, hein. Donc il dit, comme aussi l'exemple qu'on a mentionné du fait que ceux qui vont venir après, dans la Ummah, ils vont vivre dans les jours de de la patience et de l'endurance. Et ils auront la récompense de 50 d'entre les Sahaba pour les œuvres qu'ils vont faire à cause de la difficulté de leur époque, hein, et du petit nombre qu'ils seront. Donc, ils auront la récompense de 50 d'entre les Sahaba. Et il dit, et c'est possible qu'il y ait parmi les tabi'in un imam dans la da'wah, qui était imam dans la da'wah, imam dans l'ordonnance du bien et dans l'interdiction du mal, et imam dans toutes les choses qui étaient reliées à la religion. Et que cela ne soit pas présent, par exemple, chez un d'entre les Sahaba qui était venu, par exemple, à Médine, qui a vu le prophète, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, puis qui est retourné avec son chameau, hein, dans le désert, par exemple. Donc c'est un sahabi, mais il n'a pas, par exemple, été un imam dans la religion. D'accord? Mais par contre, il dit, là, le fait d'être un sahabi, il n'est pas possible à personne de l'atteindre pour ceux qui sont venus après eux. Donc, le fait qu'il soit un sahabi, même si l'autre, il est le tabi'i, il est imam dans la religion, imam dans le fiqh, imam dans la da'wa ou peu importe, il peut jamais être meilleur que le sahabi. Jamais. Hein? Et c'est pour ça que les salafs, ils ont posé la question, certains, ils ont posé la question à des imams parmi les salafs, est-ce que Omar ibn Abdul Aziz était meilleur que Muawiyah? Et l'imam Ahmad, il a répondu à ce sujet-là, il a dit, même la poussière de la sandale de Muawiyah, la poussière quand il a marché pour aller dans le djihad avec le messager d'Allah, eh bien, elle est meilleure que Abdul Aziz, Omar ibn Abdul Aziz, par exemple. Pourquoi? Parce que Muawiyah, c'est un sahabi. Et l'autre, c'est un tabi'i. Donc, tu ne peux pas comparer les autres, les deux. Tu ne peux pas les comparer. Hein? Et ensuite, le shaykh, il explique et il dit, Naam. Donc, on prend en considération le sens général, que ce sont eux qui sont les meilleurs créatures après les prophètes. Les sahaba sont les meilleures créatures après les prophètes de façon générale. Mais en ce qui concerne, hein, sur le plan particulier ou spécifique, hein, c'est-à-dire sur le plan de chaque individu séparément, eh bien, c'est possible que certains parmi ceux qui sont venus après eux aient des mérites que certains individus parmi les sahaba n'ont pas eu. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Et ensuite il dit wa qawluhu thumma tabi'un, c'est-à-dire ensuite après les sahaba ce sont les tabi'un qui sont les meilleurs. Et il dit naqulu fihim ma qulna fi sahaba, yani fi hadhihi at-tabaqa min al-umma من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم ولكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. Donc, التابعون, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont cru en l'islam et qui ont rencontré des sahaba. Hein? Qui ont rencontré des sahaba. Eux, ils ont appris l'islam directement des sahaba. Donc, eux, ils sont meilleurs que ceux qui viennent après eux. Mais on peut dire la même chose que ce qu'on a dit à propos des sahabes en ce qui concerne l'aspect général et l'aspect spécifique. Hein? C'est possible que certains qui sont venus après les tabi'in aient certaines caractéristiques dans lesquelles ils ont été meilleurs que certains parmi les tabi'in. D'accord? Après, il dit « ثُمَّ تَابِعُوهُمْ ثم تابعوهم قوله الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم هذه القرون الثلاثة هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تأتي الطبقات الكثيرة المتنوعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة. وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكى الناس إليه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Donc le cheikh il dit, et donc le cheikh il mentionne donc que les meilleurs sont les sahaba, ensuite les tabi'un, ensuite les tabi'un, les tabi'un des tabi'in. Et il dit donc ça c'est les trois premières générations. Et on les ulama ils parlent de ces générations-là en disant al-qurun al-thalatha al-mufaddala, c'est-à-dire les trois générations préférées ou meilleures. Et il dit que il y a un hadith qui a été mentionné à propos de ces trois générations-là, et c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et qui est rapporté par Muslim aussi. Donc c'est un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure génération, c'est ma génération, donc c'est-à-dire les sahaba, ثم الذين يلونهم, puis celle qui la suit, celle des tabi'in, ثم الذين يلونهم, la génération des tabi'in, d'accord. Puis il dit que ensuite il y a d'autres tabaqat, c'est-à-dire d'autres étages ou d'autres degrés qui viennent, qui sont très nombreux et diverses, et qui suivent ces trois générations-là. Et il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne cette parole de l'imam ibn Taymiyyah qui a dit: plus tu t'éloignes de l'époque de la révélation, et plus l'excellence elle s'affaiblit. Plus tu t'éloignes de la période du message, al-risala, la révélation, et plus al-fadila, l'excellence et le mérite diminuent. Et ça c'est tiré de la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsque des gens sont venus le voir pour se plaindre de ce qu'il subissait de la part d'un des dirigeants de l'époque, al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui était extrêmement dur et cruel. Alors quand ils venaient se plaindre à lui, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que il n'y a pas un temps qui va venir chez les, qui va venir aux hommes, excepté que le temps qui va être après, ou l'époque qui va la suivre, qui va être après, sera pire qu'elle. Cela sera pire qu'elle, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le temps que tu vis, il y aura après un temps encore, toujours quelque chose de pire. Donc, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui ça va mal, eh bien, dites-vous que ça va aller mal encore plus après vous. Et les gens, ils disent toujours ça. Ah, les gens, notre époque, c'est terrible. Avant, les gens, ils n'étaient pas comme ça. C'est vrai. À chaque époque, ça vient de pire en pire. Pourquoi? Parce que les gens, ils font de plus en plus des choses que les gens qui les précédaient, ils faisaient pas. Et donc, c'est comme si les gens, ils se basent sur ceux qui les ont suivis. Donc, s'ils ont dit, ceux qui étaient avant nous, ils faisaient ça. Donc, ça veut dire que nous, dans ce cas-là, on peut faire pire que ça. Allah al-Musta'an. Et après, le cheikh, il dit, وَبِأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Donc le cheikh, mashallah, il a mentionné ça, puis tout de suite après, il nous mentionne quelque chose pour nous ramener l'espoir. Parce que qu'est-ce qu'il nous a mentionné par rapport à les époques qui sont de pire en pire? C'est quelque chose qui affecte de savoir ça, ça peut être un petit peu attristant. Mais il dit, mais par contre, hein, nous croyons également qu'il y aura toujours un groupe dans cette umma qui sera victorieux sur la vérité. Ceux qui vont les déserter et ceux qui vont s'opposer à eux ne vont pas leur faire aucun tort, ne pourront pas leur faire aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe de la umma victorieux sur la vérité, même si des gens les abandonnent ou les délaissent dans les moments difficiles, et même si d'autres s'opposent à eux et veulent les contredire, ils ne pourront pas leur faire aucun tort, hein, parce que c'est des gens qui sont accrochés à la vérité et fermes. Et ils seront présents jusqu'à la fin des temps. Ce groupe-là, il y en aura toujours un dans la umma. Ok? Et donc ça, c'est quelque chose qui donne l'espoir. Parce que ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui se passe dans la umma, peu importe les faiblesses, peu importe l'égarement de certains, peu importe les tribulations, il y aura toujours une portion ou un groupe de la umma qui vont être sur la vérité. Et les ulama des salaf, ils ont dit, ce sont les gens de la sunna. Hein, ce sont les ulama, ce sont les gens de la sunna. Hein, ce sont les gens qui s'accrochent à la sunna et à la aqida. Hein, ce sont eux, ces gens-là, ce groupe sauvé. أهل السنة والجماعة. الشيخ الذي قوله وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة إلى آخره نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا بل هو منصور ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه والواقع شاهد بذلك والحمد لله فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن وإلى أن يأتي أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صادق لا يمكن أن يتخلف وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أما بعد فهذه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ها السلفيون. C'est ceux-là. Donc, le cheikh, il dit, Salafiyoun, c'est moi qui l'a dit. C'était pas le Ibn Taymiyyah qui l'a dit, mais c'est mentionné dans le charh d'Ibn Taymiyyah. Il explique que ce sont les Salafiyoun. C'est-à-dire dans le charh de l'Wasitiyya de Cheikh Ibn Uthaymin, il mentionne ça. Oui, c'est ça. Donc, le cheikh, il dit, nous croyons donc qu'il y aura toujours un groupe qui sera victorieux sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et il dit, ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne cette parole-là. Hein? Et donc, il dit, ça c'est une bonne nouvelle, une nouvelle réjouissante pour cette umma. Et il dit, ça veut dire que il n'y aura jamais une absence de la vérité dans toute la Ummah en entier. D'accord? Il faut absolument qu'il y ait un groupe dans la Ummah qui soit sur la vérité et qui soit victorieux. Dans le sens qu'il va clarifier la vérité et expliquer la vérité aux autres parmi les musulmans. Et il dit, ça ne veut pas dire par cela qu'il soit victorieux dans le sens que il gagne sur les autres, mais il est défendu et supporté par Allah. Hein? C'est ça que ça veut dire. Il est défendu par Allah, mais il n'est pas nécessairement victorieux sur les autres, dans le sens que peut-être que ce groupe-là n'a pas la force ou la capacité de faire le djihad, par exemple. Même malgré tout, ils sont préservés et protégés par Allah. Ils ne vont pas être anéantis de façon complète ou de façon totale. Et ça, c'est la réalité de ce qu'on constate aujourd'hui, que les musulmans ne sont pas capables de faire le djihad, mais malgré tout, hein, ils sont victorieux, dans le sens qu'il y a toujours un groupe parmi les musulmans qui sont sur la sunna, qui défendent la aqida de l'islam, qui défendent la sharia de l'islam, qui expliquent aux musulmans et aux non-musulmans la réalité du tawhid et de la religion et de la sunna. Et c'est, en général, c'est ce que les gens désignent comme étant justement, hein, ils disent, ils disent, ah, c'est des islamistes, ah, c'est des intégristes, ah, c'est des fondamentalistes, ah, c'est des salafistes, hein, ils utilisent toutes sortes de termes. Et après, ils essaient de mélanger les extrémistes avec ceux qui sont sur la sunna pour essayer de les confondre et de les condamner. D'accord? Donc, la réalité, c'est que, non, les gens de la vérité, les gens de la sunna, c'est les gens qui s'accrochent au Coran et à la sunna et la compréhension des salafs. Et ceux qui sont dans l'extrémisme, eh bien, ils ne font pas partie de ce groupe-là. Ils ne font pas partie de ce groupe-là. Et il y a des groupes d'égarés ou des individus égarés parmi les prêcheurs ou parmi certains prêcheurs à notre époque, comme Salman al-Aouda et d'autres, qui ont essayé de déformer le sens de ce hadith et qui ont essayé d'interpréter que, par exemple, Al-Ta'ifatul Mansoura, c'était les gens du djihad, et que Al-Firqatul Najia, c'était Ahlul Sunnah, ceux qui avaient Ahlul Hadith, par exemple. Donc ils ont essayé de diviser le groupe victorieux et la secte sauvée, comme si les groupes que le prophète s'en mentionnait dans ces deux hadiths là étaient deux groupes différents. Et la raison pourquoi il a utilisé ça, cette ruse-là, c'est pour essayer de justifier ou de défendre les groupes politiques et les groupes de Ikhwan, et de justifier qu'il y ait différentes tendances parmi les groupes contemporains, comme les Ikhwan, Tablir, les Khawarij, les groupes de Jihad et des choses de ce genre. Or, les ulama de Ahl Sunnah l'ont réfuté, hein, et parmi eux, par exemple, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Rabi', il a écrit un livre même pour les réfuter, pour le réfuter sur ce sujet-là en particulier. Il a clarifié que non, Al-Firqatul Najia et Al-Ta'ifatul Mansoura, c'est un seul et même groupe. C'est pas deux groupes ou plusieurs groupes, hein. Et, yani, c'est ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, hein, et qui défendent la vérité. Et donc, même si ils ne combattent pas ou bien ils n'ont pas la capacité de faire le djihad, eh bien ils sont quand même le groupe victorieux. Et le cheikh, il dit ensuite donc que la réalité, c'est ça, c'est ce qui témoigne de la vérité, puisque alhamdoulilah, dans la umma de l'islam, il y a toujours un groupe victorieux qui est présent, qui se tient sur la vérité jusqu'à aujourd'hui, et il y en a toujours eu à toutes les époques, hein, il y a une chaîne qui est continuelle depuis l'époque du prophète Sam jusqu'à notre époque, une chaîne continue de ulama qui sont toujours sur le Coran et la Sunna et la aqida des salafs, et cette chaîne là elle n'est jamais brisée, alhamdoulillah. Malgré que parfois dans certaines époques ou à certaines époques, ce groupe là ils sont moins nombreux que à d'autres époques. Et parfois aussi dans certains endroits dans le monde, ils sont plus forts dans certains endroits que dans d'autres. Hein? Mais il y a toujours ce groupe-là qui est victorieux. Et à notre époque, hein, ceux qui représentent et qui ont défendu cette aqida, la aqida d'Ahl Sunnah, eh bien, il y a sans aucun doute, c'est l'Arabie Saoudite. C'est eux qui ont rapporté ou qui ont relevé la bannière du tawhid et de la Sunnah, et qui ont défendu la charia de l'islam dans le siècle actuel et dans les derniers siècles, hein, si on compare par rapport aux autres. Parce que sinon, dans les autres pays, tu vois le tasawwuf, les bida'a, l'ignorance, le colonialisme et les autres trucs, l'Arabie Saoudite n'a pas subi ça. Hein? Ensuite, ici, le Cheikh, il dit, et donc, ce groupe, ce sont les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah le dit dans Al-Wasitiyya, que ce groupe sauvé, c'est les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit dans l'introduction de Al-Aqidatu al-Wasitiyya, ensuite, amma ba'd, voici la croyance du groupe de la secte sauvée. Al-Firqatu al-Najiyatu. Donc, i'tiqadul firqati, ça c'est mudaf mudaf ilayh, hein. An-najiyati, ça c'est na'at, c'est la sifa. Donc, elle suit, hein, al-firqa. Al-mansoura, ça c'est une autre sifa encore, c'est-à-dire qui est sauvée et qui est victorieuse. Donc, c'est le groupe sauvé et victorieux. Il ne les a pas séparés. Les deux, c'est le même groupe. Jusqu'au jour, jusqu'à l'heure du jugement dernier, jusqu'à l'établissement de l'heure du jugement. Et ce sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, ce sont les gens de la Sunna. Et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son Sharh de Aqidat al-Wasitiyya, il mentionne que ce sont As-Salafiyoun. Et que ce sont que les salafis qui font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, ils prétendent que Ahl Sunnah wal Jama'a sont trois groupes. Ils disent les gens de la Sunnah sont trois groupes. Les Asha'ira, les Maturidiyya et les Salafiyoun. Hein? Et la réalité à ce sujet-là, non. C'est parce que les Asha'ira et les Maturidiyya sont des gens de Ta'wil et de Tafwid. Ils déforment l'essence des noms d'Allah et ils les nient indirectement ou bien ils nient connaître leur signification. Tandis que les salafs, eux, ils prétendent que, eux, les Asha'ira, ils pensent que les salafs sont les gens du tafwid. Et que les khalafs, Asha'ira wal Maturidiyya, sont les gens du ta'wil, qui interprètent, qui trouvent une autre interprétation au sens des attributs différents de la réalité de ce qu'ils signifient. Or, la vérité, c'est que non. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, les seuls qui font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a sont les Salafiyoun. Tandis que Asha'ira wal Maturidiyya ne font pas partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Parce qu'ils contredisent les fondements et les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a sur plusieurs fondements et sur plusieurs questions. Pas seulement la question des noms et des attributs. Aussi la question de la définition de la foi, parce que ce sont des murji'a dans la foi. Et aussi dans la question de, il y a beaucoup d'autres sujets aussi, ils ont beaucoup de contradictions là-dessus. À propos du qadar, ils ont dévié dans le qadar aussi, et dans d'autres aspects. Ensuite, le Cheikh dit, « Wa amma man qala inna al-murad bithalika man jahadat » فهذا ليس بلازم لأن الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة وقد لا يقوم عند العجز لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى حتى جاء أمر الله والمراد بأمر الله هو أن يقضى على كل مؤمن لأن في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. Donc le Cheikh il dit, et celui qui prétend que le groupe victorieux, ce sont les groupes qui font le djihad, comme les takfiriens et les khawarij, ça c'est ce qu'ils prétendent. Comme Al-Qaïda et les Daesh et ces groupes-là, disent non, nous on est le groupe victorieux, pourquoi? Parce qu'on fait le djihad. Non, c'est faux. Parce que dans votre aqidah, vous contredisez la aqidah d'Ahl Sunnati wal Jama'a, vous êtes des Khawarij. Hein? Donc vous ne pouvez pas faire partie du groupe victorieux. Hein? Et beaucoup d'autres raisons aussi qui font que vous êtes en contradiction avec la vérité. Et donc, il dit le Cheikh, non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que parce que. On fait qu'un groupe fait le djihad, ça veut dire qu'ils font partie du groupe victorieux. Puis ça ne veut pas dire que si un groupe ne fait pas le djihad, qu'il ne fait pas partie du groupe victorieux. Pourquoi ? parce que le djihad, il est relié à la capacité et à la force. Et donc, ça ne veut pas dire que si un groupe ne fait pas le djihad, qu'il ne le fait pas parce qu'il le renie. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais parfois, il ne le fait pas, c'est parce qu'il est incapable, parce qu'il n'a pas la capacité ou la force suffisante pour le faire. Et dans ce cas-là, ils sont excusés. Ils ne commettent pas de péché dans ce cas-là. Hein? Si par exemple supposons quelqu'un pour faire la salat, hein, il veut faire la salat mais il s'est fait mal à une jambe, hein, ou bien il a mal au dos, il peut pas par exemple se prosterner. Donc lui il prie assis. Est-ce que tu vas dire que dans ce cas-là c'est comme si tu vas dire que puisqu'il peut pas par exemple se prosterner, tu vas dire que ça veut dire que dans ce cas-là, il doit quand même prier et se prosterner, malgré tout, même s'il n'est pas capable. Hein? C'est qui dit ça parmi les ulama? Que celui qui est par exemple malade, ou qui a une douleur, ou qui a un problème, et qu'il n'est pas capable de se prosterner, c'est qui parmi les ulama qui ont dit qu'il est obligé malgré tout de se prosterner? Hein? Moi, c'est ça. Les ulama, ils ont dit que les règles sont reliées à la capacité. Pour que quelque chose soit obligatoire dans l'islam, il faut être capable de le faire. Il faut avoir la capacité. Si quelqu'un est incapable de faire quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, c'est plus obligatoire pour lui. Donc, supposons que quelqu'un, il n'est pas capable de faire le djihad parce qu'il n'a pas les forces suffisantes ou la capacité. Donc, toi, tu veux lui imposer, malgré ça, de le faire quand même? C'est comme si tu vas forcer quelqu'un qui est malade ou qui est incapable de se prosterner, tu le forces à se prosterner quand même. Alors que dans la charia, il peut prier assis. Hein? Ou bien quelqu'un, il n'a pas d'eau. Il peut pas faire le wudu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, quand on n'a pas d'eau, de faire le tayammum. Donc la personne qui dit ça, c'est comme si elle disait, non, même s'il n'y a pas d'eau, tu es obligé de trouver de l'eau, sinon tu ne pries pas. C'est ridicule, hein? Donc eux, ils ne comprennent pas ça, ces règles-là, parce qu'ils ne connaissent pas la religion. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit ici, il dit donc, قَدْ لَا يَقُومْ عِنْدَ الْعَجْزِ. C'est possible que la personne, elle n'établisse pas le djihad à cause de l'incapacité et de la faiblesse. Et il dit ça, c'est basé sur la parole d'Allah. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah le plus que vous pouvez. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Parce que dans le hadith, il dit que ce groupe sera victorieux jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et c'est quoi l'ordre d'Allah? Il mentionne dans Surat al-Hadid, le verset 14. L'ordre d'Allah, le Cheikh il dit, c'est lorsque Allah va prendre l'âme de tous les croyants à la fin des temps. Parce que avant la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un vent doux qui va prendre l'âme de tous les croyants et ils vont tous mourir d'un seul coup. À ce moment-là, il ne restera plus aucun croyant sur terre. Et le jugement dernier va commencer à ce moment-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que l'heure du jugement ne sera établie que sur les pires des créatures. Et donc l'ordre d'Allah, c'est ce vent là qui va venir à la fin des temps, qui va prendre l'âme de tous les mu'minines. D'accord? Et donc ça, c'est l'explication à ce sujet. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, je pense, inshallah, puis on continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.